Ce panneau indique l'entrée d'une autoroute. L'accès est interdit aux piétons, aux vélos et aux cyclomoteurs, mais les motocyclettes peuvent l'emprunter.